Alors, formation dirigeant Lille. CPA. Tiens, c'est quoi ? Une formation diplômante dans un cadre vert partagé par des dirigeants et avec un retour sur investissement immédiat pour mon entreprise. C'est parfait, ça ! Allez, je télécharge la plaquette sur copimanagement.com. CPA, une formation CPI Management. Jean Lebrun pour la marche de l'histoire. Bonjour Jean. Bonjour Mathieu. Alors c'est une semaine, je vous en informe, oui, consacrée merci. Aux femmes émancipées. Et je voudrais dédier l'émission d'aujourd'hui à Fariba Adelra, la chercheuse française qui est enfermée en Iran et la victime aujourd'hui, ainsi que son compagnon Roland Marshall, d'un procès programmé. C'est une vraie dame courage et pas seulement une femme émancipée. Les vieilles dames indignes, nouvel épisode des femmes émancipées. Mais tu as 100 ans, maman, mais t'as quand même 100 ans. Moi, j'ai ma vie devant moi. Oui, d'accord, elle est derrière, mais enfin, je veux vivre, je te souhaite de vivre, maman. Eh ben, prends du bromure, comme tout le monde. Nous sommes légion à prendre du bromure. La marche de l'histoire. Jean Lebrun, sur France Inter. Nous allons commencer sous l'égide de Jean-Pierre Mocky avec ce film de 88, Les Saisons du Plaisir. Des vieilles dames, il donnait une représentation moins convenue que celle qui prévaut de nouveau aujourd'hui. Dans le Figaro, il y a peu, une page entière consacrée aux restaurants qui en reviennent à la cuisine des mamies. Vous voyez, le zéro déchet sur les murs, des étagères couvertes de bocaux de fruits et de légumes sur les tables. Terrine, potée au chou et pot-au-feu traditionnel, économie domestique à tous les instants. Eh ben naguère, dans le même journal, les vieilles dames, quand elles étaient dessinées par Faizan, étaient autrement perturbatrices. En robe longue, stricte, juchées sur de hauts talons, mais elles écrasaient de toute leur taille leur mari et il leur arrivait de tenir des propos équivoques. Enfin, moins cependant que ceux qu'échangeaient, revenons à Mocky, Denise Gray, centenaire, qui surprenait dans le film Les Saisons du Plaisir, sa fille, Jacqueline Maillan, dans son activité clandestine, entraîneuse de téléphone rose. Alors, Flora déboutonne son corsage. Il s'en échappe un énorme mamelon. 5 kilos au moins. 5 kilos, ils exagèrent. Ça pèse pas 5 kilos. Oh, peut-être la peur, je sais pas, mais enfin. Enfin, bref. Enfin, un très gros sein qu'on avait envie de peser tant il était... Tu veux une balance ? Ah non, maman, pas toi. C'était long, ça ? Ta passion pour le piano ? Eh ben, c'est du propre. Mais tout le monde le fait, maintenant. Il y a des Minitel, et puis il y a des annonces dans des journaux très très bien. Raconter les saletés, les pauvres types. C'est un nouveau métier ? Ça fait de mal à personne ? C'est juste au téléphone. Comme ça, on n'attrape pas de maladie. Et tu as attendu 40 ans pour te découvrir cette vocation ? Je ne peux pas savoir combien j'ai souffert depuis l'accident de Garibaldi. Et Charles, tu crois qu'il fait des prouesses ? Je raconte pas de saleté au téléphone, moi. Je veux vivre, j'ai besoin de vivre, maman. Eh ben, prends du bromure, comme tout le monde. Nous sommes légion à prendre du bromure. Maman, ça a très mauvais goût, le bromure. Avec un peu de lait, ça passe très bien. Mais oui, alors écoute, je te propose un marché. Oh, je suis pas une marchande de tapis, hein. Bon, d'accord, eh ben, alors un pacte, c'est ça un pacte. Eh ben, je t'écoute. Je prends du bromure avec un petit peu de lait, parce que c'est quand même moins mauvais. Et je continue. Quoi ? Si j'ai un quoi ? Quel quoi ? C'est crapaud pervers. Il a un vocabulaire très très riche. Cochon ! Oh oui, c'est lui. Il va sûrement rappeler. Hein. Je te confisque le téléphone demain. Oh non. Tu veux une paire de claques ? Mais non, maman. Mais enfin, que va devenir crapaud pervers ? Fouineur malade et museux qui flaire. Qu'est-ce qu'ils vont devenir ? Mais je m'en moque de ta ménagerie. Oui. Bon, on reviendra à la ménagerie, enfin je veux dire aux hommes et à leur plaisir tout à l'heure, peut-être si vous êtes sage. Démographie d'abord. Alors, en ce qui concerne les hommes, ils débarrassent le plancher plus vite, sauf peut-être en politique. On va revenir en 1965. Les Français élisent de nouveau le général de Gaulle à la présidence de la République et c'est l'année où René Alliot, quadragénaire débutant, ou plus haut de sa forme déjà, tourne son premier chef-d'œuvre, La vieille dame indigne. Au début, on voit une famille éplorée, qui entoure Madame Bertini, qui vient de perdre son mari, parti trop tôt, bien sûr. Mon grand-père est mort. Alors, maman. Je suis là, maman. Je suis là. Albert. Calmez-vous, Rose. Oh, je t'ai chérie. Oh, c'est un vrai Bertini. C'est Si papa était là, s'il le voyait. Mon bon papa, si tu nous voyais, mais il est là, je suis sûre qu'il est là, il nous regarde. Ma pauvre petite, je suis malheureuse. Alors. René Alliot, le nouveau réalisateur, c'est déjà un grand décorateur et scénographe au théâtre. Il a dessiné et il finit la réalisation de la salle de la commune d'Aubervilliers pendant qu'il commence à tourner La vieille dame indigne. Et comme beaucoup d'hommes de théâtre de l'époque, il a été nourri de Brecht, sans s'y laisser assigner. Et c'est d'ailleurs dans une nouvelle de Brecht qu'il a trouvé le titre et le motif de son film. L'histoire de Brecht se passe à Bade, dans les années qui précèdent immédiatement la guerre de 14. C'est un climat comme ça, assez provincial, et les choses scandaleuses que fait la vieille dame, entre autres, c'est d'aller au cinéma, ce qui, pour son entourage, les gens autour d'elle, la morale petite bourgeoise à l'intérieur de laquelle elle a vécu, est quelque chose d'assez scandaleux, parce qu'à l'époque, dépenser de l'argent pour le cinéma, c'était dépenser de l'argent pour rien. Plutôt que de faire une chose historique avec des costumes, j'ai préféré transposer la chose aujourd'hui. Il est bien évident qu'en ce qui concerne le rôle de la mère, la morale n'a pas beaucoup évolué depuis, et les enfants aujourd'hui, même quand ils ont 40 ans, comme dans l'histoire, comme dans le film, sont toujours prêts à téter leur mère et à jusqu'au bout. Donc la transposition ne changeait pas ce qui était l'essentiel du sujet, mais elle permettait de décrire des lieux qui me plaisent, évidemment, parce que j'y suis attaché, mais aussi parce que Marseille est une ville qui dit assez le monde d'aujourd'hui. C'était une grande cité industrielle en pleine transformation, avec des populations implantées, des constructions nouvelles qui font craquer les quartiers anciens de partout, des inos, des prises uniques, des voitures d'occasion. Bref, c'est une ville d'aujourd'hui, et ça me paraissait intéressant que la vieille dame, en sortant d'elle, jette un coup d'œil sur ce monde-là. Alors, transposition, dans la nouvelle de Brecht, le mari défunt était un petit imprimeur dont l'entreprise n'était plus viable et qu'il fallait liquider. C'est à peu près la même chose pour feu Monsieur Bertini à Marseille. René Alliot a toujours su la difficulté de faire un franc avec 20 centimes dans son ménage, et il sait que nouer les deux bouts demande beaucoup d'efforts. Alors Madame Bertini va vendre la boutique, qui ne produisait plus que de l'endettement. Elle rassemble ses enfants pour le leur annoncer. Je te remercie, Gaston, et toi aussi, Marange, que je n'irai pas vivre chez vous. Je préfère vivre seule, et je veux rester dans cette maison. Comment vivras-tu, ma petite Berthe? Vous pourrez peut-être me donner chacun un petit peu. Pas beaucoup, pourvu que ce soit régulier. Tous les mois ou tous les trois mois, comme vous pourrez. René Alliot a hésité à engager Berthe Bovy pour interpréter Madame Bertini, Berthe. Mais son choix ne s'est finalement pas fixé sur ce monstre sacré, mais sur une personnalité plus piquante, caustique, Madame Sylvie. Madame Sylvie, elle-même veuve depuis 1913. Elle a tâté du muet, et dans le cinéma d'après-guerre, elle a été vouée au rôle d'autorité, celui par exemple de l'institutrice dans Le Petit Monde de Don Camillo. Vous savez, l'institutrice qui terrorise le maire Pépone. Sa silhouette, courte, chapeautée de noir, correspond au profil de la dame convenable, rangée qu'elle était. Sauf, disait Brecht dans sa nouvelle, qu'elle s'engage dorénavant dans une voie inédite, alors que tous imaginaient que sa vie déclinerait. La voilà, par exemple, qui commence à manger dehors, au lieu de siffler toute seule son tapioca. Et au restaurant, elle s'acoquine avec une serveuse, jouée dans le film par Malka Rybowska, une actrice avec qui Alliot a travaillé au théâtre de la Cité de Planchon. Les enfants de Madame Bertini, Sylvie, s'alarment. Elle s'est fait une amie. Quelle amie, une putain. Oui, Rosalie, parfaitement une putain. Tu l'as connue dans un restaurant. Elle était serveuse. Et Huberto dépense des fortunes depuis 6 mois. Je suis sans nouvelles, je m'inquiète. Je téléphone à Ernest et c'est pour apprendre ça. D'abord, le restaurant, le promenade dans le calèche. Maintenant, le bon cinéma. Parce que le bon cinéma, le cinéma, les promenades en ville, tous les plaisirs de la vie, quoi. Est-ce que je sors, moi? Est-ce que je vais au cinéma? Est-ce que je vais au cinéma? Il faut se mettre à la place des enfants. La leçon d'effacement, de prudence que leur avait toujours donné leur mère est comme retournée. Alors à quel point fixe, dorénavant, pourrait-il s'arrimer? En plus, le peu d'argent qui aurait pu leur être légué, ben, Madame Sylvie est prête à le dépenser avec ses nouveaux camarades. Eh bien, c'est très simple, Bert. Les chevaux portent des noms et des numéros, et on peut miser de l'argent sur eux. Avant la course, évidemment. On peut jouer gagnant ou placé. C'est-à-dire parier qu'il sera premier ou dans les trois premiers. On apporte son argent au guichet là-bas. Vous voyez, Berthe, ces petites maisonnettes blanches, et on vous donne un ticket en échange. Après la course, si on a gagné, on va toucher son argent. Or, plus ou moins, selon qu'il y ait plus ou moins de gens qui ont parié sur le cheval. Et si on perd? On déchire le ticket. Et le tiercé? Ah, ben, ça consiste à jouer trois chevaux à la fois au lieu d'un. Et on parie qu'ils arrivent dans l'ordre ou dans le désordre. Dans le désordre. Et tous les gens qui sont là jouent? Presque tous. Eh bien, ça fait beaucoup de sous. Quand ils ont perdu, qui le garde? L'État. Madame Sylvie apprend une nouvelle vie. Avec Malkari Gopska, Rosalie, elle compose un trio inséparable que vient joindre un cordonnier philosophe, on l'a entendu à l'instant, Jean Bouise. Il circule en tous sens dans Marseille. Dès son premier film, Alliot filme Marseille comme un lieu d'anthologie de tous les films qui ont déjà été consacrés à la ville. Mais les trois compères, ils ont envie d'aller plus loin. Il faut pour cela une voiture. Alors ce sera évidemment une deux chevaux. Une voiture, oui, mais plus qu'une voiture, tout le contraire des habitacles fermés d'aujourd'hui. Une boîte ouverte, on peut rabattre la capote du toit, se mettre debout dedans, chanter à la vie. Il avait longtemps fallu attendre des mois avant de pouvoir acheter une deux chevaux, mais en 1965, on en trouvait déjà d'occasion. Alors ça, Madame Bertini, c'est une occasion unique. D'abord, c'est la voiture la plus économique et la plus robuste que vous pouvez imaginer, celle-là par exemple. Elle a déjà fait 100 000 km, ce qui peut paraître beaucoup à première vue. Mais je viens de refaire le moteur. Vous n'avez qu'à monter dedans et à partir, elle est neuve. Ça crince? Ah non, c'est rien, un peu d'huile. Est-ce que les lanternes le saluent? Évidemment. Ce petit bouton, qu'est-ce que c'est? Essuie-glace. Pourquoi est-ce que ça grince? Mais c'est normal, ça, c'est normal. Et cette boule? Changement de vitesse. Est-ce que les fauteuils sont en bon état? Spéciaux les sièges, entièrement refaits. Tissu de série, mais suspension spéciale. Alors surtout, tenez, regardez. Dossier rabattable. Comment ça marche? Une petite manette et crac. C'est un bon lit. Tenez, si vous permettez, une supposition que vous voyagez de nuit et que vous êtes fatigué. Hop. On peut dormir dedans. Mais elle a déjà roulé pendant 100 000 km. Ah, c'est vous qui l'avez dit. Les portes grincent. Il faut mettre de l'huile partout. Elle sent l'ancien propriétaire. Vous avez dû refaire le moteur. Et vous me demandez ce prix-là? C'est une occasion unique et vous faites la fine bouche. C'est une affaire rare, ça. Et vous discutez. Monsieur Dufour, je n'ai jamais acheté un poisson sans regarder son ventre. Oui, elle dépense, mais elle compte encore. Quand elle achetait du poisson au marché, elle regardait le ventre. Alors, avec Malka Rybowska et Jean Bouise, la voilà maintenant qui va pousser en deux chevaux jusqu'à Toulon, voir la Méditerranée sous un autre angle en mangeant des glaces, le bonheur que fait éprouver la liberté. Dans la nouvelle de Brecht, la vieille dame indigne meurt au bout de 2 ans. On voit, dit-il, un tout petit visage, aux rides nombreuses, aux lèvres minces, mais la bouche large, beaucoup de choses petites, mais aucune petitesse. La période aventureuse de Madame Sylvie, dans le film, Madame Sylvie est moins retenue. Eh ben, elle va durer moins longtemps. Elle s'achèvera au bout de quelques mois seulement. Elle a satisfaction, même pas dissimulée, de ses enfants qui n'avaient jamais compris son envol. Le son. À bien voir les choses, elle vécut successivement deux vies. La première en tant que fille, femme et mère, et la seconde simplement en tant que Madame Berthe, personne seule, sans obligation, aux moyens modestes mais suffisants. La première vie dura environ 60 ans, la seconde pas plus de 18 mois. Elle avait savouré pleinement les longues années de servitude et les brèves années de liberté et consommé le pain de la vie jusqu'aux dernières miettes. On se marie tôt à 20 ans et l'on n'attend pas des années pour faire 3 ou 4 enfants qui vous occupent vos journées. Entre les courses, la vaisselle, entre ménage et déjeuner, le monde peut battre de l'aile, on n'a pas le temps d'y penser. Faut-il pleurer? Faut-il en rire? Fait-elle envie ou bien pitié? Je n'ai pas le cœur à le dire. On ne voit pas le temps passer. Une odeur de café qui fume, et voilà tout son univers. Les enfants jouent, le mari fume, les jours s'écoulent à l'envers. À peine voit-on ses enfants naître, qu'il faut déjà les embrasser. Et l'on n'étend plus aux fenêtres qu'une jeunesse à repasser. Faut-il pleurer? Faut-il en rire? Fait-elle envie ou bien pitié? Je n'ai pas le cœur à le dire. On ne voit pas le temps passer. Elle n'a vu dans les dimanches qu'un costume frais repassé, quelques fleurs ou bien quelques branches décorant la salle à manger. Quand toute une vie se résume en millions de pas dérisoires, prise comme marteau et enclume entre une table et une armoire, faut-il pleurer? Faut-il en rire? Fait-elle envie ou bien pitié? Je n'ai pas le cœur à le dire. On ne voit pas le temps passer. Notre thème aujourd'hui, les vieilles dames indignes, émancipées. Madame Sylvie est morte à 87 ans, 5 ans après le tournage du film. Jean Ferrat, qu'on vient d'entendre, est mort, lui, il y a précisément 10 ans. L'écho de sa chanson qui avait pris place au cœur de la vieille dame indigne fut porté par le film, à moins que ce ne soit l'inverse. En tout cas, le nom de René Alliot émergea d'un coup. On le retrouvera plus tard avec Bonheur dans Les Camisards, Rue de Journée pour la Reine, Moi, Pierre Rivière. Mais dans La vieille dame, il avait mis beaucoup de lui-même. Il s'était inspiré très étroitement de Brecht, mais considérant plus tard ce film débordant de plaisir, il se disait que l'art véritable était sans but, je le cite. 5 ans plus tard, donc au moment de la mort de Madame Sylvie, Simone de Beauvoir, devenue septuagénaire, publie un livre sur la vieillesse qui lui est tout tissé d'intentions politiques. Elle y dénonce la manière dégradante dont se comportent les sociétés capitalistes avec les personnes âgées. Et elle cherche quel front politique pourrait occuper l'âge qui avance. Thérèse Claire, on va venir à elle, va tenter une réponse en fondant les Baba Yaga. On expliquera plus tard le sens du mot. Mais d'abord, la personnalité de Thérèse Claire. Elle est née en 27, après avoir épousé un petit chef d'entreprise. Elle est une mère de famille de 4 enfants, apparemment classique. Sauf que, chrétienne de gauche, elle prend de nombreux engagements du côté de l'église de Charonne. Et puis, vient 68 qui l'enthousiasme. Elle divorce, elle s'engage plus avant dans le MLAC, avortement contraception, dans le PSU. Et parvenue à l'âge où Beauvoir publiait La vieillesse, faute d'avoir refait le monde, elle se dit « je vais tenter de refaire la vieillesse ». Elle-même n'a pas beaucoup de moyens financiers. Les femmes, observent-elles, en ont moins que les hommes âgés. Avec quelques camarades, elle imagine donc, non pas une maison de retraite médicalisée, mais un habitat collectif groupé au tarif HLM, une manière de béguinage pour temps contemporain, et habitantes cooptées qui partageraient un esprit subversif multiplié par les années. Ce mamie-là, je ne peux pas le supporter. D'abord, je ne suis pas votre mamie, mes propres petits-enfants m'appellent de mon prénom, mon arrière-petite-fille m'appelle de mon prénom. C'est pas que je leur ai demandé, mais voilà, c'est comme ça. Et puis, nous avons toute notre vie, les femmes, été nommées d'abord parce que nous sommes des mères. Donc, il faut sortir de ce rôle maternel. Même toi qui n'as pas été mère, puisque tu es célibataire, nous sommes toutes des mères. Et c'est l'apanage des femmes d'être des mères. Eh ben, non. Eh ben, merde. Je ne dirais pas cela. C'est entre autres. Ah oui, non, c'est pas entre autres. On existe parce qu'on est des mères. Si t'es pas mère, que t'es une femme, alors là... Non, je veux dire, moi, je considère que je suis mère entre autres. Je suis mère entre autres, exactement. Tout à fait. C'est un pouvoir biologique, mais c'est pas une destinée sociale. Non. Mais c'est vrai, ça je le ressens moi maintenant parce que j'ai mon âge, mais j'ai eu tout un moment où j'ai l'impression qu'on avait pitié de moi parce que je n'avais pas d'enfant. Et moi, je ne me suis jamais fait pitié. T'étais pas une vraie femme. J'entends mon père dire, une femme qui n'a pas d'enfant, c'est pas une vraie femme. Alors j'ai essayé de lui faire dire qu'est-ce que c'était qu'une fausse femme, et ça, il ne savait pas dire. Alors le nom de Baba Yaga, il vient d'un conte slave qui fait figurer des enfants. Baba Yaga, c'est une vieille sorcière, elle attire dans sa maison, dans certaines versions, cette maison est faite de pain d'épices, les enfants, qu'elle mange. Dans l'esprit de Thérèse Claire, qui en a élevé plusieurs, il n'est pas question de dévorer les enfants, mais de redonner une nouvelle vie aux sorcières, elle se présente comme telle. Son projet s'ébauche autour de l'an 2000, il faut trouver un terrain. Jean-Pierre Brard, le maire de Montreuil d'alors, l'offre. Mais ensuite, comment rassembler des subventions et des partenaires chez les sociétés d'HLM, par exemple? La canicule de 2003, qui provoqua beaucoup de morts chez les vieillards, provoque l'attention aux idées de Thérèse Claire et de ses premières camarades. Idées qui, cependant, détonnent, quoi. L'autogestion plutôt que l'assignation. On va entendre la suite d'un documentaire de Nejma Bouakra, parce que les faits des médias se penchent sur les sorcières. Nous avons une charte qui établit les rapports de convivialité, disons les tendances pour admettre quelqu'un ou ne pas l'admettre, où nous acceptons de balayer le couloir, où nous acceptons que les lieux communs soient entretenus par nous, que de temps en temps il y ait un homme de ménage ou quoi, qui vienne faire le gros avec les vitres, ça c'est une autre histoire. C'est nous qui devrons gérer les finances d'autogestion, ça nous fera des économies substantielles. Bon. Parce que, par exemple, nous n'aurons pas de comptable. Dans la mesure où nous avons une juriste, il y aura les décisions juridiques. Il y aura les solutions juridiques, sinon les décisions. Tu vois, je dis, même entretenir. Tu sais ce que ça coûte une femme de ménage au quotidien? C'est nous qui le ferons. Par exemple, standardiste, il n'y aura pas. Par exemple, accueil, il n'y aura pas. C'est tout, nous. Vous n'avez pas de goût de luxe pour cette maison? De goût de beauté, si. De goût de beauté. Le luxe, je ne sais pas trop ce qu'on appelle le luxe. Enfin, non, de goût de beauté, oui, ça c'est sûr. Hein. Que ce soit beau, que ça puisse... Il n'y a rien de plus triste que les associations qui se réunissent dans des locaux mal peints, avec la peinture écaillée, des mégots de la réunion d'avant qui traînent. Ça, c'est... On a tous connu ça. C'est attristant. Ça vaut mieux que ça, quand même, la vie ensemble. Donc, que ce soit beau. Oui, c'est ça. Que ce soit beau. Le luxe, non. D'abord, la plupart d'entre nous n'avons pas les moyens du luxe, mais de la beauté, ça, oui. La beauté. Thérèse Claire et ses camarades, en même temps qu'elles essayent de faire sortir de terre la maison des Baba Yaga, multiplient les initiatives. Par exemple, un film d'histoire de cul, on revient à Jean-Pierre Mocky, mais en plus noble, ça s'appelle « L'art de vieillir ». Il y est dit que le plaisir des dames peut encore se trouver chez des hommes, après leur opération de la prostate, mais aussi bien chez des femmes. Dans les deux cas, ajoute malicieusement Thérèse Claire, des amours lesbiens. La maison des Baba Yaga ne se soucie d'ailleurs pas d'établir à demeure des hommes. Nombre de subventionneurs publics observe alors qu'il n'est pas républicain de prêcher la séparation des espèces. Et les camarades leur répondent par un bouquet de considérations que voici, dont chacune mériterait un débat. La non-mixité, c'est un choix politique, c'est une façon de se délivrer des hommes, de se consacrer à soi-même. Mais ça n'est pas un choix politique, c'est une obligation démographique. Il faut savoir qu'à 75 ans, il y a 5 fois plus de femmes que d'hommes, à 80 ans, il y a 7 fois plus de femmes que d'hommes, ils sont morts. Donc il est évident que si vous visitez des maisons de vieillards aujourd'hui, ce sont les vieillards. Les vieux sont les vieilles aujourd'hui. Donc il est évident qu'on ne va pas aller contre la démographie, contre la nature, finalement. Je n'aime pas beaucoup évoquer le concept de nature, mais il est évident que si on suit la démographie, 19 Baba Yaga, on va s'en coltiner deux. Ils vont être un peu perdus dans cette masse de femmes. Nous, on a beaucoup, beaucoup aimé les enfants, on a tout donné, on a beaucoup torché. Eh ben non, on va pas torcher les vieux, on veut plus. On veut un petit moment tranquille à nous. Et je trouve que effectivement, l'État voudrait bien nous refiler des vieux, parce que les vieux sont plus difficiles dans l'ensemble à caser que les vieilles. Encore, ils ont plus d'argent que nous. La discrimination nous poursuit dans le vieillage, mais je pense qu'ils ont qu'à se débrouiller eux. Pourquoi est-ce que, vis-à-vis des Baba Yaga, ils ne se construisent, je leur avais trouvé un nom, la maison des bonobos. Donc la maison, le bonobo est un grand singe qui fait précéder tous les rites de la vie, nourriture, toilette, etc., d'un rite de plaisir, et vous me comprenez. Donc je suis très gentille en leur offrant une maison des bobobos, des bonobos, et je suis sûre qu'ils accueilleront des petites dames qui seront enchantées de leur tenir au moins les mains. Rappeler à Thérèse que c'est un homme, Aragon, qui a dit la femme est l'avenir de l'homme. Oui, il a dit des conneries. Non, c'est pas des conneries. L'avenir de la femme, c'est la femme. Et oui. L'avenir de l'homme, c'est pas la femme. Le poète a toujours raison, qui annonce la floraison d'autres amours en son royaume. Remettre à l'endroit la chanson. Non, je ne continuerai pas. Vous ne voulez pas chanter, Fabrice Drouet? Non, quand le micro est fermé, oui. Parce qu'Audrey Ripouille, qui a réalisé cette émission sur les femmes émancipées, disait que c'était une chanson qui n'était pas de circonstance. Je maintiens que c'est le 10e anniversaire de la mort de Jean Ferrat. Thérèse Claire est morte à 88 ans. Non, sans avoir connu des difficultés avant l'ouverture de la maison des Baba Yaga, parce que l'équipe fondatrice s'est disputée. Il a fallu trouver de nouvelles adhérentes pour l'accompagner. Et 4 logements sont loués à des moins de 30 ans à Montreuil. C'est une exigence du Conseil Général qui a subventionné la maison des Baba Yaga, faute de pouvoir imposer la présence d'hommes, il y a au moins des jeunes. Vous présenterez dans un instant le programme d'affaires sensibles, Fabrice Drouel. Vous me laissez dérouler de nouveau le nom d'Audrey Ripouille, à qui on doit le choix musical de cette émission, celui de Franck Olivard qui l'a préparé, et la technique c'était Kevin Pelot.